de sa vieille voix de rogomme. Un soir, qu'il avait bien pinté, voilà ce que le père, ma pomme, plein de bonne humeur, m'a chanté. La vie est une belle fille qui sourit à qui sait l'aimer. Elle nous prend, elle nous entortille uniquement pour nous faire trimer. Sans pitié pour ceux qui roupillent, pour les feignants, pour les paumés. La vie n'est facile et gentille qu'à ceux qui savent la gagner. La vie est une belle fille qui veut qu'on chante en la suivant. Les pieds nus dans ses espadrilles, elle va toujours de l'avant. Comme elle a horreur qu'on se fasse sur elle de fausses illusions. Elle aime qu'on la regarde en face, avec ses trous dans ses haillons. Enfin, tu comprends bien, quoi, hein? Parbleu! La vie est une drôle de fille qui nous fait chialer bien des fois. Comme la glace, mi-fraise, mi-vanille, alternant la peine et la joie. Mais bien qu'elle soit souvent cruelle, elle nous donne des moments si doux que nous trouvons que la vie est belle et qu'il faut l'aimer.